On a entendu quatre présentations très intéressantes, comme celles qui ont précédé par rapport au sujet qu'elles avaient à traiter. Là, on est sur donc la question des communs, de l'utilité collective et de la question du local. Et je pense que les quatre communications y ont été, puisqu'on a abordé la question de l'eau, la question de la terre, qui a donc terre de lien. On a abordé la question de la ville et au travers de la ville, celle de la patrimonialisation également. On a vu au travers de ces communications aussi les acteurs, qui sont alors à la fois pluriels et multisitués. Il y a ceux qui relèvent du local stricto sensus, mais il y a les acteurs extraterritorialisés aussi, et d'autres même qui sont postés à des échelons, je dirais, internationaux. On l'a vu dans la communication sur la Bolivie avec l'intervention de l'Agence française de développement. On a vu aussi avec l'Union européenne, au travers de l'expérience que présente Pascal, mais celle qui a été présentée également par ma voisine Marina. Voilà, donc une multitude d'acteurs qui sont situés à des échelles extrêmement diverses et variées, en essayant d'intervenir aussi sur, qui construisent des légitimités justement adossées à différents facteurs. Les uns, c'est leur capacité de financement, les autres, c'est leur capacité de mobilisation autour d'enjeux historiques, autour d'enjeux sociaux également. Et c'est enfin la question de la labellisation, ça a été dit également, comment la labellisation. Alors bref, ce qu'on a entendu ici me fait retourner en arrière sur la première table ronde. Il y a un lien extrêmement fort avec ce qui a été dit sur la première table ronde, où on a vu également se dérouler les différentes échelles, l'entreprise, acteurs, les associations, les collectivités locales qui établissent des liens également avec le monde des entreprises, le monde des entreprises qui, quelque part, mobilise ou négocie une sorte d'intermédiation de la collectivité locale, on l'a vu avec l'ISI, hein, etc., etc. Donc, je pense que au moins cette journée, pour ce que moi j'ai écouté, j'ai suivi, me semble-t-il, semble avoir rempli son contrat, si j'ose m'exprimer en ces termes. J'ai pas de questions à poser, mais je me permettais en tout cas ce premier commentaire. Est-ce que c'est une synthèse? Je n'ai pas la prétention d'en faire, mais de façon ramassée, il me semble que ces communications répondent, s'inscrivent parfaitement dans l'intitulé de notre session. En tout cas, merci beaucoup, chers collègues et amis, d'avoir éclairé la salle par ces différentes interventions. On aura l'occasion, peut-être, de revenir, mais sur ce, je donne la parole à la salle afin qu'elle réagisse. Bon, il y a Nicole, le petit Nicole Mathieu qui. Bon, c'est peut-être sa dernière intervention, alors vous m'excuserez. Peut-être de ma vie. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, je reprends un petit peu ce que. Malheureusement, je pense qu'on n'a peut-être pas trop le temps de poser des questions un petit peu particulières que vous méritez, et on s'en excuse vraiment, parce que là aussi nous avons un contrat d'heure et donc il faut le respecter. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que finalement, en particulier disons, Marina et Pascal. Le Bouil, comment il s'appelle ? Claude. Finalement, c'est quand même extraordinaire, si vous voulez, qu'en écoutant, en vous écoutant, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a encore des progrès à faire du point de vue de l'analyse, du point de vue de... Et moi, ce que ça m'a fait surgir, c'est finalement, justement, la question du... Qu'est-ce qu'on met dans le terme de commun. Et on met dans le terme de commun, on met, et on le met historiquement. Donc c'est Claude Legouis qui l'a finalement l'a montré avec le plus de force, à mon avis, parce qu'il l'a montré dans un cheminement historique, comme l'aurait pu le faire Marie Picozouf, etc. C'est que finalement, on y met une matérialité, on y met un physique, on y met l'eau, on y met la terre, on y met le sol, on y met une matérialité, mais aussi on y met du lien social. C'est-à-dire on appelle commune et on appelle communaux, on a appelé nous communaux, finalement communaux c'est une parcelle, ce sont des parcelles complètement. Et donc finalement, je pense que dans notre... Ce que nous sommes en train peut-être de chercher entre l'instituant et l'institué, nous sommes en train de chercher ensemble, peut-être ensemble, ce qui pourrait être finalement défini comme un bien commun, à la fois dans la matérialité et dans le lien social. Parce que là, c'est là qu'est le vrai commun. C'est-à-dire le vrai commun, il est à la fois les deux. Il est à la fois l'eau, mais il est à la fois aussi ce que les gens en font, et il est aussi comment les gens se relient entre eux. Donc, si vous voulez, je suis frappé par le fait que nous... Excusez-moi, est-ce que j'ai le droit de vous dire, de conclure un peu ? Si tu veux, j'avais envie de conclure. Alors, j'achève en disant que le pari que nous avons fait, c'était un pari de transversalité, pas de discipline. Pas d'objet commun, pas de statut commun, aussi bien des associations que des etc. Rien de tout cela, et si vous voulez, mais finalement une remise en cause tout à fait des liens entre tout, par la recherche. Voilà, excusez-moi. Donc on n'a pas le droit de poser de questions. Si, on a... Oui, mais je reviens à ce que tu dis, Nicole. Puis après, je donne la parole à la table. Hein. Oui. Non, je voulais juste ajouter qu'il y avait une dimension symbolique aussi. Oui, mais c'est ce que j'ai appris social. Je mettais dedans. Voilà. Question à Claude. Pour moi, ou le culturel, ou ce que vous avez dit sur le culturel, le patrimoine. Mon lien social, si vous voulez, n'est pas. Mais quand même, il comprend le travail, il comprend, on ne l'a pas oublié, hein, il comprend le chômage, il comprend. Nicole, la parole est à Michel. Excusez-moi, il m'interpelle. Ça sera une question à Claude, mais qui est aussi une réponse à Nicole et un appel à débat, parce que. En écoutant l'exposé sur Terre des Liens, moi je me suis demandé vraiment, mais qu'est-ce qui restait de commun dans la Terre ? J'ai repensé en plus à la loi sur les sectionaux, qui a été la dernière tentative durant le gouvernement Hollande de capter d'une manière privée la Terre, en l'occurrence c'était des terres forestières, mais enfin, de ce qui restait d'une activité communale, justement, quand on parlait des communaux, les sectionaux forestiers, qui étaient partagés entre les habitants au prorata du nombre d'habitants sur des parcelles forestières qui sont maintenant préemptées par des entreprises. Donc je me pose la question de l'emploi du mot commun pour qualifier ce support, tout simplement. Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé en vous écoutant tous les quatre, c'est l'entrelacement des destins dans la profondeur historique de leur cheminement des communs et de ces itinéraires fort complexes, à la fois construits sur des cycles longs et sur des ruptures aussi, je crois que vous l'avez très bien expliqué, qui contredit parfois cette vision à la fois romantique et symbolique du commun. En fait, le commun n'est jamais définitif. Il naît, il vit, et dans les pratiques et les usages et les finalisations, il peut aussi être mis en question. Et ça renvoie à la question que tu viens de citer sur Terre de Liens. Nous, on a regardé Terre de Liens naître avec beaucoup de bienveillance, mais très peu d'intérêt, je dois dire, parce que c'était sur des terres de délaissement, c'était sur un foncier qui n'existait quasiment plus dans sa valeur foncière elle-même, et aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, 15 ans après la création de Terre de Liens, se construit l'idée du commun. Mais ce n'était pas du tout, enfin, en ce qui nous concerne et de manière locale, on ne l'a pas vu émerger de cette manière-là du tout. Pas du tout. D'autant plus qu'elle s'opposait à d'autres. Ben là, en l'occurrence, il n'y avait pas de concurrence foncière, puisqu'il n'y avait plus personne. Il y avait rien. Voilà, c'était. Mais c'est intéressant, je trouve aussi, dans l'idée. Justement à ceux qu'on défend quand ils sont là. Oui. Hein, c'est-à-dire à la Confédération paysanne, etc. Thomas, en un sens, elle s'opposait à ça. Nicole, c'est Thomas qui a la parole maintenant. D'abord, je m'excuse pour des contingences universitaires, c'était absolument une grande partie, j'en regrette. On n'entend pas, Thomas. D'abord, je m'excuse, peut-être parce que je m'excusais pas fort. Je m'excuse fortement parce que pour des contingences universitaires, j'étais pas là. Et juste une petite remarque sur ce que j'ai entendu sur la fin et sur l'échange. Je suis assez fasciné par la façon dont on se retourne comme catégorie intellectuelle vers la notion de commun dans un temps court dans l'espace intellectuel. C'est-à-dire qu'on a redécouvert le commun depuis une petite dizaine d'années. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'un certain point de vue, ce serait la question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des recompositions ex post de la catégorie du commun qui sont faites par les chercheurs dans une posture critique vis-à-vis des modes d'appropriation? Et du coup, comment est-ce qu'on a la réflexivité vis-à-vis des usages qui sont faits par les acteurs et par les chercheurs, de l'usage même de la notion de commun comme un élément critique sur la domination de la forme propriétaire? Je renvoie notamment au critique de Coriat sur la forme propriétaire. Mon plus gros questionnement, c'est ça. Je trouve que très souvent, dans les utilisations du terme commun, on a cette dimension-là, et c'est pas évident. Et le deuxième point, c'est sur la très grande variété, en fait, des configurations du commun. Je renvoie notamment à tous les travaux sur les bundle of rights, soit ceux de Strom, il y a eu un papier de Fabien Orsi, assez pédago dans la rue de la régulation là-dessus. C'est-à-dire que du coup, on a des très grandes configurations de systèmes de propriété qui sont parfois du commun, mais qui sont très souvent des formes collectives qui ne sont pas nécessairement du commun. Et c'est intéressant de rentrer dans cette épaisseur des éléments juridiques articulant différentes hiérarchies de normes. Et du coup, ça permet de ne pas dire le commun, mais de rentrer dans la variété des configurations. Merci Thomas. Je pense qu'on va donner la parole maintenant à la table. À la série des questions, moi j'ajoute pour Pascal de Terre de Liens une question sur la place et le poids de l'engagement dans la construction et ou la défense des communs. La question de l'engagement. Du chercheur Je ne sais pas de qui, mais voilà. Parce que dans le propos, plusieurs catégories d'acteurs ont été déclinées. Ce matin encore, j'ai entendu aussi cette notion d'engagement et je voudrais en savoir un peu plus sur... Mais la question de l'engagement, j'aurais envie de dire... Elle traverse toutes les communications dans la mesure où il y a quand même des mobilisations de différentes formes et niveaux de mobilisation sociale. Et s'il y a une mobilisation sociale quelque part, il se trouve qu'il y a de l'engagement. Voilà. La parole est à nos amis de la table pour... donner des éléments de réponse soit aux commentaires, soit aux questions qui ont été posées de façon explicite. Alors, pour la ville de Matera, la notion de commun, enfin, comme vous l'aurez compris, hein, c'est plus en termes de communauté, ce que j'ai essayé d'expliquer. Après, c'est vrai que dans la gestion du patrimoine UNESCO, et dans ce que développe l'université, on retrouve cette notion de bien commun dans ce qu'ils veulent développer. Mais je vous avoue que c'est une notion que j'ai pas encore creusée complètement, mais c'est quelque chose qui m'avait un petit peu sauté aux yeux dans les textes, en tout cas que je pouvais lire, les textes officiels, et la notion de communauté qui disparaît en fait des années 60 à 93, pour revenir sous la notion de bien commun à travers l'UNESCO et aujourd'hui sur une notion qui ne veut pas forcément du tout dire la même chose, cette notion de communauté. Donc il y a un espèce de vide pendant quelques années et ce qui m'intéressait c'est peut-être comprendre pourquoi il y a ce vide mais surtout qu'est-ce qu'on entend par cette notion aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une hypothèse, elle est encore à approfondir. Et la traduction aussi, le passage de l'italien à l'anglais, pour moi, il est très symptomatique aussi d'un langage institutionnel qu'on cherche à insuffler dans ces grands projets-là. Et je n'ai pas eu le temps de décrire plus en profondeur hein, les acteurs de la Fondation Matera 2019, mais il y a des gros conflits en termes de légitimité, puisque ce ne sont pas des acteurs locaux qui sont mobilisés dans cette fondation. Le directeur vient de Turin, est un expert en participation et mobilisation citoyenne, et le nouveau maire de Matera, puisqu'il y a eu aussi un changement politique hein, après la nomination en 2015, il y a eu un nouveau maire qui a réclamé toute une dimension locale du projet et qui avait remis en question les acteurs principaux de la fondation. En disant qu'en réalité il n'avait pas du tout de légitimité pour agir sur ce territoire-là. Donc il y a beaucoup de choses à creuser encore. Donc on passe le micro à François. Je voulais juste dire pour renchérir sur ce qui vient d'être dit, oui. En plus, en Italie, comme dans le monde donc anglophone, l'approche de la notion de communita ou communauté n'est pas du tout la même que chez nous. Donc là, même dans le vocabulaire, là, quand on dit fondation de communauté, par exemple, qui fonctionne en Italie, chez nous, on dit fondation de territoire pour dire. Donc même de ce point de vue, il y a quand même une très très grosse différence dans la façon dans l'histoire en fait de la construction de pour le moment. Oui, alors sur les multiples déclinaisons du commun, tout ça, alors moi j'ai un petit problème, c'est qu'en fait le commun, et d'un côté, j'aime pas vraiment ce concept, parce que je m'y retrouve jamais en fait, que ce soit la définition d'Ostrom ou j'arrive pas à trouver, par rapport à mes terrains, il y a pas mal d'auteurs qui ont montré qu'il manquait une dimension de politique, de pouvoir, tout ça, qui moi m'intéresse particulièrement, donc je me retrouve pas forcément. La dimension d'Ardo-Laval, qui serait un peu l'opposé, ou de Negri, je me retrouve pas non plus forcément, parce que j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, et du coup je tente une sorte de... Je sais pas, de prendre ce qui. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans ce commun. Alors, c'est assez bizarre, mais c'est. Vraiment, je pense que c'est aussi cette articulation entre le cadre d'analyse et le modèle d'action. Et je pense qu'il y a d'autres auteurs, je pense à Siméan sur les mouvements sociaux ou David Dumoulin sur les réseaux sociaux, qui ont montré le passage de la catégorie, donc du modèle d'action et la catégorie d'analyse, c'est-à-dire comment les militants s'approprient les concepts qui sont définis par les chercheurs, et à la fin on ne sait plus trop si le concept il vient des chercheurs, il vient des militants. Et je crois que le cas de Cochabamba, de l'eau, il est hyper intéressant pour ça. C'est-à-dire que à Cochabamba, cette contestation, il y a énormément de chercheurs qui sont sur place. Il y a Negri, en France, il y a des collectifs, des gens proches de Pierre Bourdieu, je pense à Franck Poupeau, tout ça, qui sont à Cochabamba, qui réfléchissent à tout ça. Il y a une auteure qui s'appelle Raquel Gutiérrez, qui est bolivienne, qui a fait la prison parce que dans son militantisme, qui est là aussi, qui est mexicaine, qui repart au Mexique après Cochabamba, qui va diffuser la notion de commun, mais d'une vision plutôt politique, assez opposée à s'éloigner d'Ostrom. Donc il y a cette circulation qui est assez fascinante et ces passages entre ces modèles d'action, cadre d'analyse. Je crois qu'il y a Pierre Sauvêtre par exemple qui a travaillé aussi sur la circulation du commun. C'est quelque chose qui est assez fascinant. Donc je ne sais toujours pas très bien dans quel pied l'aborder, surtout selon la ressource. Là, le cas de l'eau, on voit aussi que c'est une ressource vitale, c'est-à-dire que le commun, tout le monde se l'approprie, parce que l'État ne donne pas, n'apporte pas l'eau. Donc on voit que les gens mobilisés dans les coopératives, c'est à peu près tout le quartier, qui soit avec les inégalités sociales. Je ne sais pas, c'est vraiment à Naples, dans la question de la culture, si on est dans des personnes un peu plus, ceux qui ont des capitaux culturels ou sociaux peut-être un peu plus forts, et que comment le reste de la population juge. Enfin, il y a plein de choses qui sont et le cadre d'analyse, je pense, qui est fait par Oline Rostrom, offre des pistes hyper intéressantes pour comparer, même s'il faut prendre en compte toute la complexité des biens, des acteurs. Et pourtant, c'est l'histoire, c'est le récit le récit que vous avez fait, qui est porteur de plus de sens que le cadre d'analyse de Strauss. Ah bien sûr, si Claude a fini, on poursuivra dans d'autres cadres. Okay. On va donner la parole à Pascal. À Pascal et après à Pascal. Il y en a qui a précisé une chose. Oui, donc effectivement, d'un point de vue de la théorie des communs, des biens communs, c'est vrai que Ostrom, je la mobilise vraiment sur l'apport en termes de faisceau de droit. C'est-à-dire que ça va être intéressant pour moi de mobiliser ça pour comprendre comment en terre de rien se partagent différents droits en vue de cette action collective de la gestion et de l'allocation des fermes au long terme. Après, sur le commun en tant qu'objet, voie politique, on va dire, effectivement, au niveau de Dardo-Laval, bon, cette perspective du partage de la tâche, cette perspective de se retrouver dans une situation... et dans un argumentaire politique d'être obligé collectivement face à la gestion d'un espace, d'une ressource, d'un terre de lien, c'est quelque chose qui est revendiqué. Donc effectivement, mon objet revendique cette perspective-là, pas forcément avec les mots de co-obligation et en citant Dardo et Laval, mais bel et bien quand ils expriment la question du commun, c'est le maximum de personnes se retrouvant en vue d'un débat public sur ces questions-là. Et la perspective d'une gestion technique de ferme, pour eux, d'un terre de lien, il y a une perspective d'éducation populaire à l'aménagement du territoire, à la gestion du bâti, il y a des formations des citoyens et des citoyennes à la question du diagnostic des sols, donc il y a transmission de savoir agronomique, de la gestion du bâti, diagnostic d'un mur par exemple, voilà, qui menace de s'effondrer, il y a tous ces éléments-là. Après, bon, par rapport à effectivement, en terre de lien, c'est quand même compliqué, parce que c'est le premier élément de légitimation de l'action, c'est quand même la propriété privée. Donc là, effectivement, mais alors une propriété privée, donc c'est-à-dire qu'il y a un statut du commun là-dessus, où cette propriété privée elle se veut collective, et, alors, pour reprendre un peu Coria, il y a une institution qui va déterminer des règles, différentes échelles d'action, voilà, avec des processus de décision, etc. Bon, voilà, où effectivement, c'est pas la structure propriétaire, la foncière terrienne ou la fondation qui a le dernier mot, on va dire. Alors, effectivement, oui, quand il s'agit de signer, signer le chèque, c'est une expression, d'acheter, effectivement, ils ont le dernier mot, mais l'acquisition à terre de lien d'une ferme prend beaucoup de temps, minimum 2 ans en moyenne. Hein, voilà. Donc il y a ça, et puis quand même, il y a aussi, pour reprendre Coria, il y a quand même une attribution qui est faite, certains attributs sont confiés à la légitimité d'existence d'une ferme à terre de lien, c'est-à-dire il y a l'ambition derrière que la ferme, elle soit en circuit court, ancrée sur son territoire, que les fermiers soient ou les fermières soient ouverts sur leur territoire, connectés. Il y a quand même des ambitions. Alors, il y a deux terres de liens. Il y a le terre de lien, pour reprendre votre expérience, il y a le terre de lien du début, qui est vraiment un réseau d'opportunisme et de... Enfin, au départ, quand même, terre de lien, c'est une demande d'octroi d'appel à l'épargne de 2 millions d'euros qui explose en 2 ans. En 2 ans, il y a 4 millions d'euros de promesses de prise de part à la foncière. Donc ils doivent négocier au départ avec le consortium ministériel et financier de pouvoir aller au-delà, donc l'autorité des marchés financiers. Et donc c'est vrai qu'il y a un emballement de la machine terrienne au départ, quoi. Et ça achète à tour de bras. Et alors, moi je me rappelle, j'étais dans ce moment-là, enfin bon, moi j'étais pas en 2007, mais j'étais là en 2009, et je me rappelle très bien que c'était du clientélisme pur et dur. Il y a un copain qui arrive au CA, et puis, tu veux t'installer, il y a de l'argent, allez, on t'installe. Et puis maintenant, là il y a tout un retour sur le modèle économique de la foncière, il y a tout un retour sur la question de la programmation des travaux et de l'amortissement des travaux. Donc c'est vrai que le fait que Terre de Liens veuille faire quelque chose qui n'a jamais été fait, à mon sens, dans mon perspective à moi, c'est-à-dire l'idée de stabiliser des unités foncières réputées viables, vivables, transmissibles, ben depuis les années 50, ça, je veux dire, on n'envisage plus l'agrandissement des exploitations agricoles, la modernisation des exploitations agricoles, et tout le monde dit, non, nous, on ne fait pas ça, c'est on stoppe, cette ferme est réputée comme étant viable, vivable et transmissible, on l'agrandit à la marge éventuellement pour des questions d'autonomie fourragère l'hiver, etc. Mais pas de perspective de revente, pas de perspective d'agrandissement plus que ça. Et ça, ben, ça correspond effectivement à la fois à un argumentaire. Voilà. On a besoin, nous, certes, on est réseau propriétaire avec une éthique, mais on a besoin de tout le monde autour de la table pour créer ce modèle-là. Voilà, notamment le fait de ne pas perdre trop de temps sur les permis de construire, le fait d'être au clair qu'on a besoin d'avoir des porteurs de projets qui viennent sur une ferme pour la reprendre et la faire vivre. Hein, du coup, on est plus dans la perspective de, il n'y a pas de porteur de projet, le gros à côté, enfin le gros, excusez-moi, je reprends les expressions qui sont d'intérieur de l'air, mais le gros agriculteur à côté reprend, non, il faut un porteur de projet. Enfin, du coup, ça veut dire qu'il y a une injonction, un enrôlement. Pascal, terminez votre phrase. Oui, mais on peut voilà, poser trois questions. Donc il y a le fait qu'effectivement il y a un enrôlement, mais pas une injonction à l'enrôlement d'Inter de Lain. Moi ce que je vois c'est ils sont obligés quelque part de faire appel aux structures foncières légitimes, etc. pour leur projet, pour pérenniser leur projet. Donc ils doivent aussi avoir l'usage de certaines valeurs aussi qui vont se retrouver comme l'enjeu du territoire, l'enjeu de l'alimentation, etc. C'est pour ça que par rapport à la question de le romantisme du commun, intervenant, moi je vois plus une territorialité du commun, c'est ce que j'exprime dans ma communication, dans mon travail de recherche, c'est-à-dire effectivement le fait de prendre la place face à des enjeux et des logiques foncières totalement différentes et considérées néolibérales dans le terre de lien, à travers l'argumentaire du commun. Donc il y a une lutte foncière du commun, à mon avis. On vous lira et on poursuivra cette discussion-là. Okay, pardon. C'est certain. Excusez-moi. C'est intéressant et sans l'engagement. Voilà. Sans l'engagement. On va écouter votre voici. Très rapidement, parce que tout le monde est fatigué, je pense. Alors, pour répondre, j'espère, à ta question, il est évident qu'il y a un récit, en fait, qui est construit et qui intrigue très fortement à la fois donc, les approches des chercheurs et les canaux donc, plus universitaires et intellectuels, et en même temps, les canaux politiques de diverses façons. Et dans le cas, je crois que par exemple, on le voit bien par rapport à ce qu'a dit Claude, il y a un récit qui est très différent, une histoire qui est différente. Et dans le cadre de l'Italie, c'est évident que cette conjonction à un moment donné correspond aussi à la force des magistrats dans l'Italie, dans le contexte italien de la pré-Berlusconi, etc., où il y a eu toute une phase de privatisation très forte en fait des biens patrimoniaux, une vente, et qui fait qu'il y a eu justement dans les années 2010 cette vague des maires juristes hein, qui ont joué un grand rôle justement à la fin des années 2000 dans l'imbrication entre l'apport de la mobilisation sociale et en même temps la construction du bien commun au niveau de l'État, hein, par la Commission, et au niveau justement des échanges entre les juristes au niveau local, qui avaient des responsabilités politiques, etc., et de leur travail en fait avec les mobilisations. Donc il est évident que c'est très compliqué à dénouer, mais je pense que dans chaque pays, même groupe de pays, je pense qu'on pourrait arriver à trouver des histoires qui sont à la fois différentes, mais que l'on peut quand même à un certain moment reconnecter à une pensée théorique qui effectivement est devenue très à la mode, hein, mais qui peut être justement intéressante de ce point de vue, parce qu'il y a une contextualisation temporelle et spatiale qui est... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok Pascal, merci beaucoup. On va donner la parole à l'organisation pour le mot de la fin. Merci.